Le 89.1, la radio culturelle à Québec. Bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui est entre vos deux oreilles. Encore une fois, ben, j'ai parcouru Internet pour vous trouver plein de bonnes musiques, fort à parier que vous avez jamais entendues. Donc, ça va être une émission encore une fois remplie de découvertes. Je vous rappelle que la playlist de l'émission est disponible dès maintenant, donc vous pouvez même voir qu'est-ce qui s'en vient à l'émission. Et vous pouvez aussi télécharger les pièces que vous entendez. Donc, pour trouver tout ça, vous vous rendez au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est ça, c'est votre ressource de musique gratuite. Cette semaine, ben, on va débuter avec une pièce que j'écoute compulsivement. J'ai pas arrêté de l'écouter, surtout aujourd'hui. Donc, l'artiste s'appelle Happy Elf. C'est un artiste qui vient des Pays-Bas. D'habitude, il donne dans l'électropop, mais vous allez entendre cette pièce-là. C'est un mélange un peu, on pourrait dire techno et un peu blues sur les bords. C'est vraiment bon. Donc, la pièce s'appelle Come Back. C'est sur l'excellente étiquette WM Recordings. Ensuite de ça, bon, on va aller sur une étiquette allemande. Le groupe s'appelle Light in Your Life. C'est un groupe suédois. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur l'album, sur leur album éponyme qui s'appelle Light in Your Life. Donc, la première pièce qu'on va entendre s'appelle It Will Be Fine. Ensuite de ça, la pièce s'appelle Smile That Smile. J'ai ajouté une vidéo de cette pièce-là. C'est une prestation du groupe live, donc assez intéressant. Donc, on débute tout de suite avec Happy Elf, la pièce Come Back. Together all of the time, there's nothing I can do. C'était Light in Your Life sur leur album éponyme. Donc, on vient tout juste d'entendre la pièce Smile That Smile. Avant ça, c'était It Would Be Fine. Donc, un excellent groupe donc, qui nous vient de la Suède. C'était sur l'étiquette allemande AF Music, une étiquette que je vous recommande. Ils ont beaucoup de trucs un peu post-punk, dark wave. C'est quand même assez varié, une étiquette vraiment polie. Donc, avant ça, on entendait Happy Elf, un artiste qui nous vient des Pays-Bas. On entendait sa pièce Comeback. C'était sur l'étiquette WM Recordings. Pour poursuivre web musique, ben, je vous propose un groupe vraiment intéressant qui nous vient de l'Italie, de la ville de Siracusa. Donc, le groupe s'appelle The Chimps. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur leur album Road to. Donc, la première s'appelle Catch a Dream. Ça va être suivi par 1, 2, 3 Star. Ensuite de ça, ben, je vous présente un artiste russe, plutôt un groupe russe qui s'appelle Plastica. C'est sur l'étiquette Mimonote. Je pourrais pas vous dire le nom de l'album ou de la pièce. Tout est écrit en russe. J'ai seulement réussi à trouver, à deviner où est-ce qu'on pouvait télécharger l'album, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un groupe qui donne un peu dans le power pop, mais je pourrais pas vraiment les qualifier en tant que tel. Donc, je vais vous laisser écouter, vous allez pouvoir vous faire votre propre idée. Donc, on entend tout de suite The Chimps avec la pièce Catch a Dream. Thank you.

La SNQC présente, en collaboration avec la SAQ, la Ville de Québec et CKRL, le spectacle Émergence Capitale, édition 2009. Cette année, célébrez la fête nationale du Québec dans la capitale avec CKRL à Place du Lune. Dès 19h le 23 juin, Tania Beaumont monte sur scène et anime une émission en direct avec les groupes en prestation. Colmy Poupée et Jean-Philippe. Dès 20h, la fête commence avec ces deux groupes de Québec en direct sur nos ondes. C'est comme si vous y étiez. Tous les détails dans le Journal de Québec. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy entre vos deux oreilles. Avant la pause, on entendait le groupe russe Plastica, donc sur l'étiquette russe également Mimonote. Une étiquette vraiment intéressante qui est malheureusement unilingue russe, mais comme c'est à peu près placé comme les autres net labels, c'est assez facile de repérer où télécharger les pièces. Avant ça, ben, le groupe, c'est un groupe italien qui s'appelle The Chimps. On a entendu la pièce One, Two, Three Star, puis on avait débuté avec Catch a Dream, deux pièces qui se retrouvent sur l'album A Road To. C'était sur l'étiquette Indie Logic Recordings. Pour poursuivre, on va délaisser un peu le rock, on va s'en aller un peu du côté hip-hop abstract. Vous allez voir des pièces vraiment étranges, vraiment envoûtantes. On va débuter avec un duo islandais qui s'appelle Bleary Eye Globe, donc c'est sur l'étiquette Weird and Wired, une étiquette allemande. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur leur album Penniless and Wandering, donc on va débuter avec Coup d'État. Ça va être suivi par la pièce The Snakes. Ensuite de ça, sur l'excellente étiquette de la Bulgarie, de la ville de Varna, on va entendre donc l'étiquette Dusted Wax Kingdom. L'artiste s'appelle Lost Soul Refuge. C'est un artiste qui vient du Royaume-Uni. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur son album Black Orchid. C'est un EP. Donc, on va entendre Pitch Black et la pièce Fade Away. Donc, on écoute tout de suite Bleary Eye Globe, la pièce Coup d'État. We'll be right back. Vous venez tout juste d'entendre l'artiste du Royaume-Uni qui s'appelle Lost Soul Refuge. Donc, c'était deux pièces sur son album Black Orchid EP. On vient tout juste d'entendre la pièce Fade Away. C'était précédé par Pitch Black. Donc, ça se retrouve sur l'excellente étiquette Dusted Wax Kingdom, une étiquette qui nous vient de la ville de Varna en Bulgarie. Avant ça, ben, sur l'étiquette Weird and Wired, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne, on avait entendu Bleary Eye Globe. Donc, c'est un duo qui nous vient de l'Islande. On entendait la pièce The Snakes et avant ça, c'était la pièce Coup d'État. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Penniless and Wandering. On poursuit Web Music avec deux pièces quand même assez drôles. C'est un artiste qui s'appelle The Silent Partner, donc c'est un artiste de Boston. Puis ça semble être un beatmaker, mais il s'est amusé à prendre de la musique lounge, musique exotica pour faire ses beats. Donc c'est assez drôle, vous allez voir. C'est sur l'étiquette Me Life and Music Net Label. C'est une étiquette qui vient du Massachusetts. Donc, la première pièce s'appelle No Mass, puis la seconde s'appelle Brass to Rass. peu de musique qui donne le goût de boire un bon martini. Donc, c'était The Silent Partner. C'est un artiste qui nous vient de Boston. C'est un beatmaker qui est sur l'étiquette Me, Life and Music Net Label, une étiquette qui vient donc du Massachusetts. La pièce que vous venez tout juste d'entendre s'appelle Brass to Rass. C'était précédé par la pièce No Mass. Ces deux pièces-là se retrouvent sur l'album Platters Act One Lounge Music and Exotica. Donc, ben c'est ça, c'est déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que tout ce que vous avez entendu à l'émission, ben c'est possible de le télécharger gratuitement. Pour ça, vous vous rendez au www.webmusic.org. L'émission aussi est disponible en balado-diffusion. Donc, si vous avez manqué un petit bout de l'émission, ben c'est possible de la réécouter. Ça va être tout pour moi cette semaine. Ça va être le Père François avec sa propagande jésusienne qui va suivre. Donc, je vous invite à rester sur les ondes de CKRL. Puis moi, ben, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, à compter de 20h30. Bonne nuit. Des souvenirs, de l'histoire, des émotions, rétrospective, introspection. Ici Jean-Philippe Deschênes, bienvenue dans l'univers de ma boîte à cassettes, les mardis, 14h30. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec.